Exercice 4, page 160. Zoo. Zen. Usé. Aise. Je joue. Je jette. Je mange. Je nage. Usage. Visage. Bronzage. Losange. José. Jason. Joueuse. Joyeuse.